Je pars du principe que je n'y peux rien et je m'abandonne à cette idée. Je ne fais pas d'effort pour penser plus loin. C'est tellement plus simple de tout bâcler. On m'a pas appris à approfondir. Je digère mal les choses compliquées. Et pour peu qu'il y ait un peu trop à lire, je reste perplexe sans un texte illustré. Mais il y a longtemps, ça devait me servir à comprendre le monde. Ce que je savais, c'était bien suffisant. Je perdais mon temps à cocher les secondes. De toute façon, on n'a plus voulu de moi. Je passais trop de temps à regarder par la fenêtre. Les autres apprenaient leurs règles de trois. Je dormais sur mes livres, je me vidais la tête. Les deux muettes, elles ne me parlent plus. Je n'ai pas d'interprète, mais j'ai perdu la vue. Si j'avais pu comprendre ce qu'on voulait m'offrir, on se laissait surprendre. Et puis on ne sait plus. Je lui lirai tout ce qu'il veut.